Sabine Huchon, l'étoile de Noël. Samedi dernier, je jouais tranquillement à la marchande avec ma petite sœur Léa, dans notre chambre, quand maman nous a appelés du bas de l'escalier. « Aurélie, Léa, descendez vous habiller, on va acheter le sapin de Noël. » Léa chantait tout fort. « Mon beau sapin, roi des forêts, waouh !» Et moi, je ne pouvais plus m'arrêter de danser, tellement j'étais contente. Le sapin qu'on a choisi était si grand qu'il dépassait papa. On l'a installé dans le salon. « Pas trop près de la cheminée, » a dit papa en fronçant les sourcils. « Il ne faudrait pas qu'il prenne feu. » Maman avait déjà remonté de la cave un gros carton avec les boules et un autre plus petit avec les guirlandes. Elle a accroché les décorations du haut, moi j'ai mis celles du milieu, et Léa a accroché celles tout en bas. Puis papa s'est approché. « À mon tour, » a-t-il dit, « je vais installer les guirlandes électriques. »« C'est quoi les guirlandes électriques ?» a demandé Léa. On a tous rigolé, c'est maman qui lui a expliqué. « Les guirlandes électriques, ce sont celles qui font de la lumière. » Avec les guirlandes de lumière, notre sapin était encore plus beau. Dans le carton, nous avions trouvé des boules de toutes les formes, des petits traîneaux du Père Noël, des mini-bottes, et même des anges avec des ailes. On a déniché aussi des boules blanches recouvertes de fausse neige. On aurait cru des boules de neige pour de vrai. Alors papa est monté sur l'escabeau et nous a demandé « Passez-moi la grande étoile que je la suspende tout là-haut. » Mais maman a répondu « Je veux bien. Par contre, il n'y a plus rien dans les cartons. » Catastrophe ! On avait perdu la grande étoile de Noël. Déjà Léa avait les larmes aux yeux et moi, je ne pouvais même plus prononcer un mot. « Venez les filles, » proposa maman, « on va chercher dans la cave. » Elle ne s'est pas envolée, cette étoile. Moi, je n'aime pas beaucoup aller à la cave. Il fait un peu noir. Alors, j'ai répondu à maman, je vais vous attendre ici avec papa. Léa s'est moquée de moi. Trouillarde, trouillarde, Lily est une trouillarde. Pas du tout, je suis juste un peu fatiguée. Trouillarde, trouillarde. J'ai pas la trouille, j'ai 7 ans. Regarde, j'y vais avant toi. J'avoue que j'ai dû rassembler tout mon courage, mais je suis passée devant Léa. Enfin, derrière maman quand même. On a cherché partout, partout. Maman a fouillé sur toutes les étagères et dans toutes les malles. Que de vieilles choses, des vieux habits tout chiffonnés, des livres couverts de poussière, des bibelots cassés, des poupées de chiffon qui n'avaient même plus de couleur. Et toujours pas d'étoiles. Soudain, Léa a montré quelque chose sur une vieille chaise. « C'est une étoile, ça !»« Ce n'est pas une étoile de Noël, c'est une étoile de mer toute dure, toute desséchée. »« Ce n'est pas si bête que ça, » dit maman. « J'ai une idée, remontons cette étoile. » Dans la cuisine, maman a recouvert la table de vieux journaux, a posé l'étoile dessus, et elle l'a peinte avec de la peinture en or. Puis elle a collé plein de paillettes. « Et voilà !» Maintenant, il faut attendre 1 heure pour que la peinture et la colle soient bien sèches. « 1 heure entière ? Oh non, je m'ennuie déjà » ai-je soupiré. Maman nous a fait un clin d'œil. « Si on faisait des truffes au chocolat ?» Léa et moi, on s'enléchait les babines d'avance. Quand les truffes furent terminées, on les a disposées sur un apéron en dentelle que maman avait mis sur une grande assiette. Papa a demandé « La peinture est sèche, je peux accrocher l'étoile. » Oui ! Qu'il était fier, notre grand sapin, avec sa belle étoile toute brillante. On s'est tous installés dans le salon pour mieux le regarder, et on a mangé toutes les truffes. Vivement le jour du Père Noël !